free. The new KFAI radio app allows you to live stream. What is live stream? Sounds Creek to me. Live streaming means it has DVR-like controls. Pause, rewind, and fast forward. You can pause the live stream to have a conversation and pick up right where you left off. No way. Or rewind to catch a comment you just missed. Well, I'm going to try it. I can't tell you everything about our new live stream app. For more information, go to kfai.org. Programming is supported by Ampers and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at ampers.org. Ampers features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at ampers.org. Ampers, diverse radio for Minnesota's communities. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, radio without boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90,3 FM à Minneapolis et 106,7 St. Paul, radio sans frontières. Bonsoir Olaf. Bonsoir Caril. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota. Moi, je suis Karine Minetti. Et je suis Olaf Fancourt. Et nous allons vous jouer de la musique ancienne et moderne qui vient de France et des pays francophones. On va commencer tout de suite avec Françoise Hardy. Elle est un peu du passé, mais elle chante toujours et de temps en temps, elle sort un album. Elle va vous chanter « Le premier bonheur du jour ». Et ça va être suivi. Alors, c'était marqué Merel, mais je crois que c'est Mireille Mathieu qui chante Un monde avec toi. De soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule, c'est le souffle de la mer et la plage qui attend, c'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe, mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint. J'avais forgé d'amour un monde avec toi, où nos lois étaient les mêmes, un incroyable, un impartageable monde. Poussière à nos pieds semblait était là, la moindre lueur était soleil. Mais ce rêve pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Mais ce rêve pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Jour après jour, j'avais forgé d'amour un monde avec toi. This was Françoise Hardy, le premier bonheur du jour, the first pleasure of the day, and she goes through various pleasures and various chagrins. So in her first discussion, I mean, she says the sunlight, a ray of the sun is giving her pleasure, the bird that sings in the tree giving her pleasure, and the sun ray that caresses her shoulder. And so all of this in the morning gives her pleasure, du bonheur. But then later on, I mean, things get a little bit more confused. The first chagrin, the first trouble, or the first sadness of the day is when she hears the door closing, when the car is starting and going away, and the silence in her apartment. But then in the evening, again, this is her last bonheur, her last happiness. When she cuts out the lamp and goes to bed and thinks about the person that apparently just went away in his car. So that was Françoise Hardy. The next one is from Mireille Mathieu, and you can kind of recognize certain kind of way in which she sings, in which she, in one sense, tries to emulate Edith Piaf, the kind of voice, the kind of rhythm. And her is Un Monde Avec Toi, A World With You. And she sings about even the smallest lights, the smallest beam of light becomes a sun when you're around. But sadness returns every night when he is not around. I mean, these people are, well, pretty much linked to having their sadness or their happiness, I mean, dictated by who else is around. Not anyone, but, I mean, whom they love is around. And then she ends up singing I Love You. Okay, here we go. Merci, Ola. Maintenant, on va écouter Dalida, une vedette très, très célèbre dans les années 60-70. Elle était originaire, je crois, d'Égypte. Je ne suis pas sûre de cela, mais vous pouvez distinguer une sorte d'accent. Elle va vous chanter Bambino. Et puis, ça va être suivi de Boris Vian, qui chante lui-même. On l'a joué la semaine dernière. C'était une vraie génie de musique. Il était trompette, il jouait la trompette. Et il va vous chanter « Je suis snob ». Il était écrivain aussi, poète, donc c'est énorme, et metteur en scène, donc

c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est Bat. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Ah ah. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Dalida sang for you, Bambino, Little Child. And Dalida, obviously, is a French singer, but she has Italian background, of course. And Il Bambino is of course, is the little child. I don't know what her nationality was. I thought she was Egyptian. And, well, I mean, they have little children in Egypt, too. So then she sings about this little child, this little male child, I mean, little boy. Don't cry, she says. Don't, you don't sleep. You're only a shadow of yourself. And why? Well, he is actually totally infatuated by a girl on the other side of the street. And he is trying to impress her. He tries to sing, he tries to play his guitar. And nothing helps. I mean, so she no matter what he tries, she doesn't take him seriously. So this lady who sings about him says, "Why don't you play soccer like all the other little kids? Why don't you? I know you adore her, but you're too young for love and for romance, and you have to wait. You have to wait. But and you have to wait, and even if you smoke a cigarette and." Stomp it out in front of her, you know, the way that you do this by twisting your soul, your foot and soul on a mégot. And anyway, but this poor kid, nothing helps. The lady he is infatuated with simply doesn't take him seriously. And well, I hope he gets over it. And as he ages and he grows a little bit older, he may then have some success with someone else. Maybe she's still around. Who knows? Boris Vian, Je suis snob. And he details all the things that you have to do in order to pass as a snob. Snob, of course, is sine nobilitas. So that's a word for those who were not nobles. I mean, this is in mostly British. And but who tried to kind of act as if they were. Anyway, he says, it goes through this whole thing. He's buying Italian silk ties. He goes to Swedish cinema. I mean, well, when you really have to be a snob to see Bergman. But so he lists all of these things, and when he is in love, he cavorts around naked in his courtyard. Well, I mean, that's you have to be a snob to do that. He doesn't like camembert, but even when he dies, he wants to be put to the in his coffin with a Dior suit. So anyway, I mean, that's what you get if you really want to be a snob. Oui, Boris Vian, il avait vraiment un sens d'humour qui était incroyable, n'est-ce pas? Ah oui. Ah oui. Et maintenant, on va écouter une chanson écrite par Boris Vian, mais chantée par Philippe Clay. Alors, Philippe Clay, il était vedette, mais quand Jacques Brel est venu sur scène, Philippe Clay était éclipsé et on n'entendait plus lui. Moi, j'ai eu le bonheur de le voir dans ce qu'on appelle un one-man show à Paris une fois. Il était encore bien. Il va vous chanter Rue Watt. Et ça va être suivi par Richard Anthony avec Le Déserteur, qui a causé pas mal de problèmes et en France et peut-être en Amérique aussi. Le Déserteur, je ne suis pas sûre quand il a écrit, mais il était contre la guerre partout. Et c'était la guerre du Vietnam En Amérique? La guerre d'Indochine, oui. Oui. Alors, je crois que c'était publié. Je crois que j'étais en France à cette époque. Et c'était publié et c'était complètement blanc quand on a ouvert le journal. Il n'y avait rien là. Où devait être un article par Boris Vian. Alors, Le Déserteur était plus tard repris par Peter, Paul et Mary, qui chantaient cela en français, à l'époque de la guerre vietnamienne, ici en Amérique. Donc, et j'ai cherché partout, je l'ai quelque part, mais je n'ai pas pu le trouver. Alors, voilà, Philippe Clay, Richard Anthony. D'abord, rue Watt. Lorsque j'y ai été pour la première fois, c'était en février, mais il ne faisait pas froid. Des clochards somnolaient sur les grilles fumantes et les moulins tournaient dans la nuit murmurante. J'étais avec Raymond qui m'a dit « Mon colon, il faut que tu constates qu'il n'y a rien comme la rue Watt, la rue Watt. » Une rue bordée de colonnes où il n'y a jamais personne, il y a simplement en l'air des voies de chemin de fer, où passent des lanternes tenues par des gens courts, pour les talons qui sonnent sur ces allées grillées. Sur ces colonnes de fonte qui viennent du Parthénon, on l'appelle la rue Watt, parce que c'est la plus batte, la rue Watt. C'est une rue couverte, c'est une rue ouverte, c'est une rue déserte qui remonte aux deux bouts. Des chats décolorés filent en prise directe sans jamais s'arrêter parce qu'il n'y pleut jamais. Le jour c'est moins joli, alors on va la nuit pour traîner ses savates le long de la rue Watt, la rue Watt. Y a des rues dont on cause, qu'ont pourtant pas grand-chose, des rues sans caractère, juste un peu putassières. Mais au bout de Paris, près de la gare d'Austerlitz, vierge et vague et morose, la rue Watt se repose. Un jour j'achèterai quelques mètres carrés pour planter mes tomates là-bas dans la rue Watt. Everyone. une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on aime grand, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu partir des frères, j'ai vu mourir des pères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert quand d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la foule sang. Il y a les prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grands. Gendarmes, que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Haru harali. The world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Philippe Clay sang a song by Boris Vian, quite interesting one called Rue Watt, the street by the name of Watt. In Paris, of course, they name various streets according to scientists and politicians and so on. And Watt, of course, was an electrical engineer. But, and this street is near the Gare de l'Austerlitz. But here this is, I mean, it's kind of very, well, strange street. It's where the railroads, of course, you hear the railroads passing, the trains passing. But it's sometimes deserted. You don't see anyone in the street. On the day, it's even worse. At night, there's maybe something going on, but you hardly see anyone in the street. And what are you doing then in the evening? I mean, so he says, maybe I'm going to buy a few square meters and plant tomatoes in the Rue Watt. And, of course, tomate rhymes with what, and that's the end of the story. Richard Anthony sings one of Boris Vian's best-known songs, Le Déserteur, The Deserter. And what he sings in addressing, he is addressing a letter to the president or one person of high authority, in which he sings, well, you have drafted me and I'm supposed to come next Wednesday and report for service. But he says, I'm not coming. I will not come and kill in order to kill poor, miserable people. I will not come to, further extend the misery. I mean, since I was born, I had brothers and fathers and friends who lost their lives in wars. And he says, I mean, Boris Vian, all wars are just misery and crazy. So I will close my door forever, and I will be taking off. Try to get rid of poverty, of misery, because we're all brothers, and let's not kill each other. And as Karil mentioned, the song and actually was in connection with the French war in Vietnam, which they called the La Guerre d'Indochine, and it ended in 1959 with the fall of Dien Bien Phu. The French strategist or the French commander was de Lattre de Tassigny, actually a very successful general in World War II and in the liberation of France and invasion of Germany. And of course, the Vietnamese person was Gap. This was quite a blow to France. And they finally then settled and in a conference in Geneva, that's when they declared that they would separate or split Vietnam in a northern and southern part. But anyway, they were out of it. So that was Le Déserteur. And Peter, Paul, and Mary actually sang the song some years later, when the U.S. got involved in the same kind of pickle as the French had, thinking that they could do it better, but no one can if a people really wants to resist. Merci, Olaf. Alors, maintenant, on va écouter, voyons. Ah, Paris Combo. Ils vont vous chanter High, Low, In. Et ensuite, Paris Combo encore avec Aquarium. Il y a longtemps que on ne les a pas entendus. Je crois qu'ils ont pris deux ans de vacances parce que la belle du Berry avait un enfant et sans doute elle voulait l'élever en France. Si on peut appeler ça une vacance. Oui, pas une vacance, c'est vrai. Parce qu'ils sont venus avec la bébé. Quand elle était toute petite, et je crois que son mari, la trompette, qui joue dans le groupe, il n'avait pas de sommeil du tout parce que le gosse a pleuré toute la nuit. Bon, alors, Aquarium. Et d'abord, c'est High, Low, In. Je suis Billy, je suis face, tendre sous ma carapace, j'offre mon dos aux turbulences et mon repli face aux violences. Mon visage tourné vers ceux qui, comme moi, aiment le moelleux, j'enfile des bouts de ciel, j'efface les images qui en appellent au carnage. Pauvre de moi, je ne suis pas dedans. Je suis pilée, je suis femme. fit-il, je te passe face un jour off, l'autre jour on. Je m'éteins toujours quand on me sonne. Tourne dos au télécom. Je suis 0.t.com dans les cercles internet autochtones. On m'a déjà sacré pauvre corps. Je ne suis pas dedans. Ni putative, ni soumise. J'ai le contact amusant sans mettre les doigts dans la prise. J'aime me tenir. Je suis pâle en artifice. Je suis strictement marron quand on me parle maléfice. Je me sens plutôt ange blond. Pauvre de moi, de chair d'os et de chant. Je ne suis pas high, je ne suis pas low, je ne suis pas in, je ne suis pas dedans. ce petit paquet de kilomètres qui nous sépare et nous unit. Nous vivons la vie d'autres gens en direct, artificiel au paradis. Dis rien, on n'est pas tous égaux. Ah non, non, non, non, non. So, Paris Combo avec with Belle de Berry. The first song is High, Low, In, and she sings about that she doesn't care whether she's high, I mean highly regarded, or whether she's lowly regarded, or whether she is part of the in crowd. She sings, she just goes ahead and does what she likes. She doesn't even watch TV. She is totally natural. And as her contacts or her friends are all like that, so she doesn't really bother to be either high or low or in. The other one is she sings Aquarium, translated into Aquarium, and she sings, she turns around and around on her block, turns around and around, just like a little fish in an aquarium. That she, she's maybe a few kilometers away from her lover, and they somehow or other get along, but they turn around, and they play hooky. I mean, they kind of don't, well, I don't know if they play hooky not going to school or not going to work, but anyway, they kind of take the time, and otherwise she would be turning around and around just like a little fish in an aquarium. Ah, merci, Olaf. Alors maintenant, on va écouter quelque chose de spécial. Deux chansons par Georges Brassens. D'abord, c'est Le Bistrot, suivi par Chanson pour l'Auvergnat. Alors pourquoi? Parce qu'après, on va écouter La Danse des mots, une section qui nous vient de RFI, Radio France Internationale, qui traite du 15e arrondissement à Paris. Donc, et ça, c'est là où Georges Brassens a demeuré à une époque. Bon, d'abord, Le Bistrot. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent t'en rang comme des harangues, voir en face la belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse.

And the reason why we're bringing these is the following. In the following, piece that we're going to hear about Paris 15e, Le Bonheur à ma porte, Paris, the 15th arrondissement, Happiness at My Door, they talk about Brassens, who at one point lived in the 14th arrondissement with a lady called Jeanne. But as soon as he was extremely poor, and that's why we have presented these two songs. And so, but then as soon as he got recognition and got contracts and got some money, he moved into the 15th arrondissement, which is also not it's not like the 16th or not like the 7th or not like the very chic quartier. It's a quartier of workers, but there it's quiet. He could work, and in the discussion there we will hear about Brassens. About the bistros that are in this area, and the one the song that he sings, of course, is about a somewhat despicable, dégueulasse bistro in a popular or workman's section of Paris. And he says, if your taste is according to nice wines, then don't come here. Go to Fauché or somewhere else to get the good wine. But if your throat is like cast iron, then you can come and drink the Pinot Rouge that is being offered here. And then, so he goes on and on to describe this little bistro where mostly relatively poor and relatively not well-to-do people are gathering together, but they're the fat ones or the slim ones, and they're those without teeth and so on. But it's a mix of the popular description of that particular quartier. They don't say it's the 15th, but this meshes nicely in with it. Again, the second one is L'Auvergnat, and what he sings there is again from the perspective of someone who has been poor, and he sings the praise of an Auvergnat. And they will later on in the discussion they talk about Auvergne and the Auvergnat, but here he sings about this Auvergnat who gave him 4 pieces of wood so that he could warm himself, build a fire and warm himself. And all the gens bien, all these nice people who, with the nice intentions, good intentions, they all laughed at him. They closed their doors. He talks about the hostess who gave him 4 slices of bread. And again, the other people were just kind of mocking him, but this bread is still lingering in his soul like a festin. And then finally he sings about the stranger who gave him a compassionate smile when the police carried him off to jail, whereas all the others were kind of laughing. Mm-hmm. And then he also goes in. So whenever the undertaker comes and takes you and you get to the gates of paradise, then you will be, recompensed. So, but the song is one from the perspective of some very poor person, which he was before he actually broke through in his art of singing. Tell us where Auvergne was. Pardon? Where is Auvergne? Auvergne is in the south, central France, and it's a very hilly country, mm-hmm. Very relatively poor, and I mean poor in terms of what means they have. Mm-hmm. The land is relatively poor. Doesn't compare it with the Beauce and the Le Brie, which are the corn. The wheat producing mm-hmm. regions right around Paris. So they have what they have is small lots. They try to squeeze out everything they can from these lots. they have cows up in the mountains, and that's where they make the cheese, the Cantal and others. Because once they're up there, there's no way they can get the milk down to a market. So they have to produce it into some form that will last and which they can take down. So they have the Cantal and other specialties of Auvergne. And the Auvergnat, I had heard that they were known for dealing in wood and coal in Paris. That was their job somehow. Exactly. They had cornered. People that came there, but yes, that was their market. They had cornered the market of selling coal and wood in Paris, and often were called the Bunyuls, mm-hmm. because they were black and soothy. From the coal. And then quite often they had a little estaminet, a little bar with it, mm-hmm. where the people who came to get the coal would have a drink. So and the Auvergnat, as a matter of fact, are the Scotsmen of France. They will not part with a penny or a sou if they can. They are extreme, but that's because they come from an area that is extremely was extremely poor, and you really had to if you wanted to survive. Turn every sou around several times. So, we're going to listen to a discussion by Yvan Amar, Paris 15e, Le Bonheur à ma porte, Paris 15th arrondissement, happiness at my doorstep. And this is a program that Yvan Amar has created. It's called La Danse des Mots, the Dance of the Words. And Yvan Amar was, at one time, he was a teacher of French. And since 1987, he has put many shows on at Radio France Internationale and France Culture. He is not only involved in these dialogues and these interviews, but he is in charge of a jazz festival. He is producer of various shows in over France Culture, the prison, the train, the prodigious child, the Mississippi. I would like to see if one could get some of these just here. The titles sound very interesting. And he's very much interested in jazz. So he has written about Thelonious Monk, Art Tatum, and all kind of modern and jazz singers and composers. This show, which is called La Danse des Mots, is also sponsored by the Centre National de Documentation Pédagogique et le Centre de la Langue Française. Anyway, we will hear him when he interviews Nadia Coury-Daguerre. She is the author of the book, and they will discuss the particular properties or the particular characteristics of the 15e arrondissement. And talks about 15e as being like a little province within Paris, like a village in Paris. And then they come to speak, well, there are many places in Paris, many quartiers that actually are villages. And people in those quartiers don't even go very far out away from home. They don't go even to the other end of Paris. That's what the tourists do. And so she talks about how this little, this little arrondissement, they have how the inhabitants also keep their roots from the areas where they come from. And that's also when she talks about l'Auvergnat. But she also talks about the Boulistes, those who play the boule. Okay, I think we have to just... We have to... Good grief, I've been talking. Oui. Vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, et Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. And the time? I have 9 p.m. Well, that's because your watch is slow. It's 9:02. Is this one correct in the studio? Must be. Well, I thought mine was. Anyway, let's not quarrel about 2 minutes. If we split it in half, it's only 1 minute. There you go. Okay, so. For those of you that are English speakers, an arrondissement is Paris is divided up into sections called arrondissements. Yeah, there are 20 of them. Mm-hmm. So we're talking about the 15th. Arrondissement or section of Paris, and this is a section that actually it's west of the Tour Eiffel. The Tour Eiffel and it's the garden in front of it is exactly its boundary is the boundary of the 15th arrondissement, and it's basically it's the arrondissement through which one of the main Paris metro lines goes, and it's part the elevated one, or partly mm-hmm. it's elevated. So it's the one that goes from La Motte-Piquet, Grenelle, and Cambronne. Because it comes out of the earth. It comes out of the earth. No. This is at one later song we will have I think it's Charles Trenet who sings about the metro actually coming out of the tunnel, mm-hmm. and then it goes up on the elevated. And then there's obviously the Station Cambronne and the Rue de Cambronne. They didn't give him an avenue, but this was a very famous French general who, when he was asked to surrender, simply said the famous word of Cambronne, which I'm not going to repeat. Well, it's the M word in French. But it's somewhat similar. S word in English. It's somewhat similar to the situation at Bayonne, French in the war with the Germans, when the Americans were surrounded in Bayonne, Bayeux in the Ardennes. In a terrible situation, they were cut off totally, and in winter it was cold, everything. And then the Germans asked the commander, would he surrender? And he said, nuts, which is a more polite form than the mot de Cambronne. But the Germans were totally nonplussed. They said, nuts? What kind of nuts? Walnuts? Peanuts? And had no idea what it meant. Obviously, but they did find out what it meant because they returned the fire and didn't surrender. So that was Cambronne, and this line is more or less the northwestern end of the 15th arrondissement, and the south is given by essentially the metro Javel, and this is it borders the Seine. And it borders the Quai Citroën, and they will talk about in the show. They will talk about the factories of Citroën, which were situated in the 15th near the Station Javel, these are a few introductory terms that I like to say. But the tenor. Of this lady, Nadia Courir-Dakar, is very positive. She really likes this. So let's hear what she has to say, or what they have to say. La danse des mots, Yvan Amar. Thank you. bonjour. Le bonheur à ma porte, c'est peut-être ce que tout le monde souhaite, en tout cas beaucoup de gens. Eh bien, c'est un titre ou un extrait de titre dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui dans la danse des mots. Paris 15e, Le bonheur à ma porte, c'est le dernier livre que vous venez de faire paraître, Nadia Corridaguerre, aux éditions du Cœur du Monde. Alors, merci beaucoup pour ce livre qui est un hymne au bonheur, à la vie, à la joie de vivre, à une certaine tranquillité de vivre et aussi un hymne au bon voisinage, on peut dire. Parce que ça parle de Paris 15e, le 15e, c'est le 15e arrondissement. C'est étonnant parce que le 15e arrondissement a une réputation, ou peut-être même des réputations. Il traîne derrière lui de temps en temps l'image d'un arrondissement un peu terne, un peu neutre, où il ne se passe pas grand-chose. Alors, Nadia Corridaguerre, vous le connaissez bien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette réputation est fausse? Est-ce qu'elle est usurpée? Écoutez, alors bon, moi j'habite le 15e depuis presque 20 ans. Après, donc je suis libanaise et je vis à Paris depuis, enfin en France depuis presque 40 ans. Mais vous êtes libanaise sans avoir d'accent libanais. Non, parce que je vis toute petite ici, pointe d'accent voilà. Libanais est la chose la plus sucrée, la plus délicieuse qu'on puisse attendre de la langue française. Eh bien, vous ne l'avez pas. Je ne sais pas si vous l'avez perdue ou si oui, vous ne l'avez perdu. Jamais eue. Non, je l'ai perdue parce que je vis en France depuis toute petite, voilà. Et puis donc à Paris 15e depuis presque 20 ans avec voilà. Et pour ne rien, enfin. Le 15e arrondissement est un quartier très tranquille et je l'aime précisément parce que je dirais, il me repose de Paris, du côté stressant de Paris. C'est un quartier que je trouve très villageois, très provincial, donc très ringard pour les gens qu'on appelle la branche étude, les Parisiens. Mais il ne faut pas oublier que c'est le quartier qu'avait choisi Brassens. Quand Brassens a commencé à gagner de l'argent et à avoir des droits d'auteur, il a acheté sa maison, une maison dans le 15e. Avant, il habitait le 14e. Il habitait le 14e. Voilà, en fait, il a franchi la voie du chemin de fer. Il habitait donc chez Jeanne, qui était une femme, une amie de sa tante qui l'hébergeait dans un logement misérable. Mais dès qu'il a eu de l'argent, il a choisi un arrondissement donc populaire, tranquille. Et je pense que dans les endroits tranquilles, on peut travailler. Et moi qui écris des livres, ça me va vraiment parfaitement. Voilà. Alors, c'est l'une des choses qui m'intéresse dans votre livre, Nadia Corridaguerre. Vous parliez du 15e, alors on dit pas le 15e arrondissement en général, on dit le 15e, et on sait de quoi il s'agit. Ouais, ça vaut pour les autres arrondissements. Mais vous dites que c'est un arrondissement provincial. Alors, moi qui m'intéresse à la langue, j'aimerais bien quand même vous demander si ça s'entend. C'est-à-dire si au cœur du 15e, on entend les provinces de France. Alors, et je dis les provinces, je dis pas les régions. Vous voyez, oui. Ça a un côté un peu ancien régime de dire les provinces. Oui, oui, mais oui. Justement, on remonte loin là. Alors, tout à fait. Alors, moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est que, donc, j'habite là depuis presque 20 ans et certains quartiers de Paris, alors, qu'on soit bien d'accord, ce livre, je parle du 15e comme d'un petit village. Enfin, notamment l'endroit où je vis, qui se passe autour de la petite place du Général Beret, qui est à l'angle Cambronne-le-Courbe. Mais beaucoup d'autres quartiers de Paris sont des petits villages. Vous prenez la rue Mouffetard est un village. Certains coins du 6e sont des petits villages. Du 14e. Donc, même dans des grandes villes, il y a des petits villages. J'imagine qu'à New York aussi, puisqu'il y a des petits villages. Il y a beaucoup de villes de province qui ont aussi des petits quartiers de villages. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup amusée, c'est que je me suis rendu compte que finalement, dans une ville très moderne qu'est Paris, on peut encore vivre comme dans un village. Alors, vous parliez du côté provincial. Dans la rue Blomet, il y a un club de boules que très peu de gens connaissent parce qu'il est un petit peu caché. Et moi, j'aime bien aller passer parfois des après-midi à regarder les joueurs de boules jouer, parce que vous êtes là. Ah, est-ce que vous les appelez des boulistes? Oui, elle s'appelle l'Union Bouliste du 15e. Ouais, très souvent, c'est le club on voit de ce boules. Mot. Voilà, ce tout bah, à fait. Il y a une Union Bouliste juste à côté voilà, de chez moi, et pourtant, je n'habite pas le 15e. Voilà, hein. Alors on voit effectivement dans Paris comme ça des petits coins, des petites poches de vie très tranquille, très heureuse. Vous avez les joueurs de boules du Jardin du Luxembourg, vous avez les joueurs de boules de l'Esplanade des Invalides. Dans tous les arrondissements, vous avez un club de boules. Partout en France, vous avez un club de boules. Il y a alors, partout c'est considéré, des boulistes. Voilà, c'est considéré comme ringard. Mais moi, j'aime justement ce côté France profonde, ce côté France d'avant-guerre. Et c'est un petit peu ce que j'ai été chercher, si vous voulez. Moi, je suis fan de Doineau. J'adore ces photos de Doineau qui nous parlent d'un Paris de bonne humeur. Rappelez-nous un peu qui est Robert alors, Doineau. Robert Doineau était donc un grand photographe, qui était très peu connu d'ailleurs de son vivant. Et qui aimait beaucoup les quartiers populaires de Paris. Donc, il faisait des photos en noir et blanc, des halles à Paris, des bistrots ouvriers. Et moi, ce qui m'intéresse précisément, c'est toute cette vie populaire. Et bien que Paris devienne une ville de plus en plus chère, de plus en plus bourgeoise, avec le prix du mètre carré qui est très très cher, il y a encore, heureusement, et j'espère, encore pour longtemps, des petites poches comme ça de vie populaire française que j'adore, qui me font penser aux films de Pagnol, qui me font penser aux films de Bourville, toute une bonhomie française. Et je trouve qu'aujourd'hui en France, malheureusement, les médias d'actualité nous parlent beaucoup de morosité, de crise, de pouvoir d'achat, les nouvelles internationales, on est un petit peu déprimés. Et en fait, pour moi, ça n'est pas la réalité, parce que le français... Il reste très joyeux. Regardez à Paris aujourd'hui, là nous sommes en plein été, les terrasses de café sont bondées, les parcs et jardins, voilà, les parcs et jardins sont bondés, les mamans promènent leurs petits, les pelouses sont pleines, on fait la queue devant les pâtisseries. Et si pour moi, si vous voulez un peuple qui fait la queue pour s'acheter une tarte aux framboises ou qui passe des après-midi à se faire bronzer dans un jardin public, n'est pas vraiment un peuple déprimé. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris-boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé de soleil, de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Et il y a de la joie. Alors, vous parlez de cette mosaïque des provinces, Nadia Arako. All right, you heard Nadia and Yvan Amar, and basically what she is saying is she is really positive. She thinks that what she likes about the 15e and about other parts of Paris is that there still is joy in there. And she says, today we are bombarded with morosité, with crimes, with war stories, with all kind of goings on that, I mean, like whatever you eat, what you eat, what kind of stuff they put in your food, I mean, horse meat and things like this, and that kind of depresses you. But she says, this is not true. The real people of Paris are joyous people. If you sit in a cafe, if you can sit in a park, if you can stand in line for a tarte de fraise, for a little strawberry tart, that means that you have time and that you can that you are satisfied, or at least at you're not depressed. So and then of course Charles Trenet sings "Il y a de la joie." There is happiness or joy, and in this he actually talks about you see how the metro comes out of the Javel out of the tunnel and then goes up into the elevator. Mm-hmm. Okay. Une annonce. Programming on KFAI is supported in part by the Great River Energy Mesabi Trail Tour 2013, a day-long biking event for families and serious trail riders alike. The tour takes place Saturday, August 3rd, from 4 starting points, allowing you to bike from 13 to 67 miles. The day culminates with a picnic and concert in Virginia. The tour supports the Mesabi Trail, plus programming on KFAI and all of the Amper's stations. More information is available at mesabitrail.com. So we're going to continue with this interview, but basically there are a few words I would like to say about this. Well, one thing that I forgot to mention is Nadia Corinne Dahar talks about the Bouliste, the union of the of the those who play the boule, and there is one in the 15th arrondissement, but there's also one in many of the others near the Luxembourg and everywhere else. Well, even, and that's what I'm coming back to this, because even here in Minneapolis, we have a Union de Boulistes. We have a group of led by a French person or French-speaking person, and they meet, Beltrami Park. In the Beltrami Park on Sundays. That's right. So here, not only in Paris and France do we have the Union de Boulistes, but you have it here in Minneapolis. How lucky can you be? So then they talk, in the next section they will talk about provincialism and how she likes that people are keeping their roots and keeping their language, although much of the accent is kind of fading away, but that's because of TV and radio. But then she's very, very positive about the fact that people are trying to get back to their roots. There's a Festnos, which is a festival from Brittany, where they play the bignon, which are kind of cornemuse, which are kind of bagpipes. And she simply says, and Paris is welcoming to everyone, in spite of sometimes the bad reputation that it gets that they don't like foreigners. She says, look at your family, or don't look very far, and you find that there's one cousin or some in-law or someone else who is from a different country. And she then mentions the Champs-Élysées, where formerly all of the garçons, the café, were French. Now there are Indians, there are Algerians, there are Tunisians, and they are now doing the trade. So she is very, very positive about the fact that Paris is a nice place to be, and as long as you just kind of try to fit in, you will be accepted. All right, so let's see that part. D'ailleurs, est-ce qu'elle s'entend? Est-ce que vous parlez, par exemple, de quelqu'un qui longtemps a tenu un bistrot auvergnat très près de chez vous, qui était bougon, qui disait pas grand-chose, oui, et qui vous salue depuis qu'il a pris sa retraite et que le restaurant a été transformé? Est-ce que cette origine auvergnate, est-ce que cet Aveyron qui trône sur des posters qu'il a collés à ses murs, est-ce que ça s'entend? Alors, malheureusement, les provinciaux qui sont à Paris, pour la plupart, ont perdu leur accent, comme moi. Au Club de Boule, le vice-président Joe vient de Toulouse et cela s'entend parfaitement dans son accent. Je vous dirais que, effectivement, les accents provinciaux se perdent, mais moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de voir qu'à Paris, en fait, quand on vient d'une province, qu'il s'agisse de l'Auvergne, de la Bretagne, de la Corse, on garde une forte identité régionale. Et pour moi, ça n'est pas du tout négatif, si vous voulez. On parle beaucoup d'identité comme si c'était un problème de négatif. Pour moi, une identité bretonne, mais pourquoi pas, c'est justement une espèce de résistance à la mondialisation qui veut tous nous uniformiser. Donc là, je raconte par exemple une fête bretonne qui a lieu chaque année dans le 15e. Au mois de juin, vous avez plein de Bretons de toute l'île de France qui défilent en costume traditionnel, avec leurs bignous, qui font des danses. Alors qu'est-ce que c'est que des bignous? Alors des bignous, ce sont des cornemuses, voilà, des cornemuses, donc un instrument avant avec une grande poche, la cornemuse écossaise. Et ça danse breton pendant toute une journée. On boit du cidre, on mange des huîtres, on déguste des petits gâteaux bretons. Voilà. Il y a de la crêpe ? Il y a des crêpes, évidemment. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est de voir, si vous voulez, des petits Parisiens qui ont 17-18 ans, qui ne sont pas nés en Bretagne, qui sont d'origine bretonne et qui tiennent à leurs origines bretonnes, exactement, je dirais, comme un Congolais de Paris tient à ses origines congolaises. Et ce qui était très amusant, c'est que le jour de ce Festnose, qui était il y a un an, sur la parvis de la mairie, il y avait un mariage africain. Et devant le parvis de la mairie, il y avait une brochette, vous savez, les demoiselles d'honneur africaines, qui sont habillées à l'africaine, toutes de la même robe. Donc vous aviez 6 jolies jeunes filles africaines, toutes avec une robe rose bonbon, et j'imagine qu'évidemment, ce mariage africain va être célébré avec de la musique africaine. Et justement, moi, ce qui me touche, c'est que Paris, en fait, c'est aussi un message du livre. C'est qu'on nous dit beaucoup, les Français sont racistes, les Français sont frileux, les Français n'aiment pas l'étranger. Statistiquement, Yvan, regardez autour de vous. Dans toute famille française, vous avez un oncle, une cousine, un neveu marié à quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère, qui vient du Portugal, d'Algérie, de Finlande, de n'importe où. Et c'est aussi un message du livre, c'est que Paris et la France ont toujours été une terre d'accueil pour le monde entier. Et cela continue. Même si certains courants politiques veulent nous faire croire que c'est faux, ça n'est pas vrai. Et tous les jours, regardez, Paris est très métissé, dans les cafés. Une amie libanaise de passage à Paris me disait, tiens, aux Champs-Élysées, maintenant, les vendeurs et les garçons de café sont indiens, algériens, marocains. C'est la réalité de la France. On se créolise, comme dirait Glissant. Alors justement, dans le 15e, il y a tout cet éventail d'origine, de nationalité parfois, plus que des poches, plus que des replis. Il y a quand même des communautés importantes. Vous parlez par exemple de la communauté iranienne. Alors tout à fait. Il faut dire que, bon, le 15e a hébergé une grande communauté d'Algériens au temps des usines Citroën qui attiraient beaucoup d'ouvriers. Donc le 15e est un quartier kabyle. Oui, on appelait ça Citron à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune. Oui, mais je n'habitais pas en France à l'époque. Voilà. Quand j'étais petit, on parlait de Citron. Citron, c'était les usines Citroën qui étaient dans le quartier de Javel, Javel, et qui ont déménagé, je ne sais pas quand, au début des années 60, j'imagine. Enfin, oui. Bon, c'est au moment où toute cette tradition ouvrière des usines parisienne est partie. Il y en avait pas mal dans le 10e, du côté du canal, et puis il y en avait beaucoup dans le 15e, c'était un quartier ouvrier. C'est exactement, ça qu'on a oublié. Exactement, et beaucoup de Paris de quartiers de Paris étaient des quartiers ouvriers. Alors il reste encore quelques ateliers, et je me suis beaucoup intéressée justement à ces travailleurs manuels. Parce que, par exemple, j'ai rencontré des artisans de plâtre qui font, vous savez, les moulures au plafond. Vous avez des doreurs, vous avez encore des ateliers de mécanique dans le 15e. Il ne faut pas oublier que dans Paris, parfois, ça ne se voit pas de la rue, mais vous rentrez dans un immeuble, les ateliers étaient souvent au fond des cours, et ça demeure. Il y a encore des imprimeries à Paris. Il y a évidemment tous les métiers manuels de bouche qui sont obligés d'être à Paris, donc la boulangère qui est en couverture de mon livre, une boulangerie parisienne est obligée de produire son pain à Paris. Donc j'ai aussi passé une matinée au fournil, avec ces boulangers qui se lèvent au tous fournil. Les jours. Alors, à 4 heures du matin. Alors, dites-nous ce qu'on appelle un fournil. Parce que le fournil, c'est pas le fourneau. Alors, non, le fournil, c'est le terme qu'on emploie. C'est là où le boulanger cuit son pain. Et ça m'a beaucoup intéressée de passer une matinée avec ces hommes qui chaque jour nous produit notre pain quotidien. Vous savez, c'est une prière de l'Église catholique. Donnez-nous notre jour, notre pain quotidien. Eh bien, le pain quotidien est produit par des hommes que nous ne voyons jamais. Parce qu'ils sont à 4 heures du matin déjà dans leur cuisine, dans leur fournil, justement, à cuire nos baguettes. Et moi, maintenant, quand je mange une baguette, mais je bénis les mains. Vous savez, en libanais, on dit, je bénis les mains de quelqu'un qui vous rend service. Je bénis les mains de tous les boulangers de France. Grâce à qui, d'abord, le pain est délicieux. Et qui travaillent pour nous à des heures matinales. Et qui travaillent derrière, d'ailleurs. Voilà. Il y a une séparation sexuée, on peut dire, dans la boulangerie, qui est étonnante. La plupart du temps, quand on va acheter du pain, on tombe sur une ou plusieurs boulangères. Voilà, parce que c'est un travail d'équipe. Ouais. En fait, et derrière, et de temps en temps, on voit quelqu'un un peu poudré de farine qui passe la tête. Voilà. C'est le boulanger. Alors, très souvent, c'est un mari ou un compagnon, parce que très souvent, ce sont des couples. Petites entreprises familiales. Voilà, exactement. Et c'est pas maman est en haut qui fait des gâteaux et papa en bas du chocolat, mais presque. Hein. Alors, mais c'est pas en haut, en bas. Voilà. En général, c'est là où il y a un espace pour la clientèle, la boutique, et puis derrière, il y a le fournil. Voilà. On ne dit pas l'atelier. Non, alors moi, je suis passionnée d'histoire. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire, et beaucoup de Français sont nostalgiques de leur passé, comme tous les peuples du monde, parce qu'on aime se raccrocher à des racines. Vous avez une chanson qui est « La boulangère a des écus », vous voyez, des choses comme ça. Vous avez « Meunier, tu dors », voilà. « Ton moulin va trop vite ». Donc, depuis le Moyen-Âge en France, le boulanger, le meunier, comme c'est le blé et le pain sont la base du régime alimentaire français depuis toujours, sont au centre des traditions et des chansons populaires. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est qu'aujourd'hui encore, une boulangerie reste une entreprise familiale. Vous êtes obligés. La boulangerie est un travail énorme. Vous avez la production, mais vous avez aussi la commercialisation, la vente. Donc effectivement, vous êtes obligés d'être en couple pour le faire, le plus souvent. Et puis, ce qui m'a beaucoup émue, c'est de voir que ce sont des métiers, d'abord, ce sont des très beaux métiers pour moi, des métiers manuels. Vous ne pouvez pas tricher quand vous travaillez avec vos mains. Vous ne pouvez pas faire de la lèche au patron. Si vous vendez vos gâteaux, c'est qu'ils sont bons. S'ils sont mauvais, vous ne les vendrez pas. Ouais. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, et je suis sûre qu'on ferait des statistiques auprès des ministères, les boulangeries restent artisanales et souvent des métiers de père en fils. Donc, Madame Dosmond, qui est en couverture, sa fille est à côté. Alors, c'est ma boulangère, rue Le Courbe, vous pouvez y aller. Mmh. Voilà. Sa fille, Lorraine, travaille avec elle à la vente. Et son fils, Jonathan, a repris le métier de son père à 28 ans après avoir essayé d'autres études de commerce. Et Jonathan a épousé Sephora, qui est aussi là à la vente, qui est en couverture aussi. Et Sephora vient d'avoir un petit bébé. Et le père aussi de Monsieur Dosmond, Francis Dosmond, était boulanger. À côté, vous avez Monsieur Pichard, qui est aussi l'une des meilleures boulangeries du 15e, comme les Dosmond. Monsieur Pichard, son père, avait une boulangerie à la campagne, autour de Paris, enfin dans la Beauce. Son fils, Geoffrey, maintenant, fait de la pâtisserie. Et le boucher, Monsieur Martins, son fils est devenu boucher. Et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est que vous voyez, en Orient ou en Afrique, beaucoup d'entreprises sont familiales. Et on pense souvent que la France, c'est différent. Mais quand vous regardez les très petites entreprises, eh bien, c'est la même chose. Voilà. Alors, c'est ça qui m'a intéressée. Alors, on voit bien que M. Dosmond, M. Pichard, on la sent bien, là, la France. M. Mertens, peut-être, vient du Nord. Ça, c'est vrai. Ah oui. Mais ce sont des noms qui chantent. Et dans votre livre, Nadia Corridaguer, il y en a des chansons. Il y en a pas mal qui, justement, évoquent la France avec des mots qui ne sont pas toujours français. Ah oui. Alors, bon je suis libanaise et mon père a baigné dans le jazz parce qu'il est né à Alexandrie où il y avait beaucoup de jazz américain dans les années 40. Et je suis passionnée par le jazz. Et mes parents habitent non loin du boulevard Pasteur, ils habitent rue Falguière dans le 15e et au printemps, tous les marronniers à Paris sont en fleurs. Alors, ceux qui vivent en Afrique ou qui nous écoutent, allez sur Internet et regardez la photo d'un marronnier en fleurs. Ce sont des fleurs qui font 20 ou 30 cm de long, qui sont magnifiques, on dirait un bouquet. Et quand je passe sous ces marronniers, je pense à la chanson d'Ella Fitzgerald, April in Paris. Elle dit April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. Et ça veut dire en fait avril à Paris, les marronniers en fleurs et les tables de vacances sous les arbres. Les tables de vacances, ce sont quoi? Ce sont les tables, les terrasses de café. Parce que la France est latine, elle est méditerranéenne. Le café a été inventé, enfin l'agora par les Grecs, par les Arabes ensuite, est arrivé en France, enfin le café est arrivé avec la découverte du café en Arabie. Et le café, la terrasse de café, est une institution éminemment latine, méditerranéenne, qui est devenue aujourd'hui européenne, et que les Américains nous envient, que le Nouveau Monde nous envie. Et maintenant, vous avez des cafés dans le monde entier. À Dakar, vous avez des cafés. Le café symbolise quoi pour moi? Le bonheur de vivre. Quand vous prenez le temps d'aller au café, de prendre un verre de thé à la menthe au Maroc, ou d'aller au café à Dakar, ou à Conakry, ou n'importe où, c'est que déjà, vous avez du temps. Et moi, ce que j'ai voulu aussi retrouver dans ce 15e, dans mon livre, c'est que à Paris, si on veut, on peut prendre le temps de vivre. Évidemment, les rythmes modernes, aujourd'hui, ne le permettent pas. Mais le samedi, au lieu de se précipiter dans les grands magasins pour acheter, pour consommer, eh bien, dans le 15e, beaucoup de gens... pas pour consommer le samedi. Oui, mais certains, enfin, beaucoup le font dans les grands magasins, dans les surfaces et acheter. Moi, je suis vraiment anti-société de consommation et ça ne coûte rien de se poser au café, voilà, ça coûte quelques centimes. Et dans le monde entier, je crois qu'on peut être heureux si on le veut. April in Paris. Chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. Alors, vous parliez des chansons, Nadia Corridaguer, et en particulier de April in Paris, donc... Haru harali, haralo, Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. All right, you heard the second installment. And basically what it is about is she, Nadia talks about especially the métiers en Paris, the small enterprises, the small craftsmen who are still working in the often you don't see it. They're in the big house complexes. They are in the back of the backyard. And among them, the one that is the most important one is the baker. And they talk about the bakers, and usually the setup is where the woman is actually running the shop, and the husband is running the bakery, which they call the fournie, which is baking the bread and preparing everything. And these are absolute family enterprises, family businesses. And she talks about this the one that where she had been. Watches them, and they get up at 4 o'clock in the morning, and it's a very tough life for them. But she talks about this one family where Jeannot, the son, after having gone to college and everything like this, at the age of 26, he comes back, learns the trade from his father, and now he is in the business. So these are some very interesting aspects that she is highlighting. And then you heard Ella Fitzgerald in April in Paris, and where she talks about the flowers of the marronnier, of the chestnut trees that line the boulevards like the Boulevard Pasteur in the 15th. And the next one we will hear a little bit more about the Usine Citroën and a interesting song about an immigrant who sings to his father and actually praises him for the work that they did and the hard work they did in order to make it better for their children. So let's go on with this then. And Gérald, mais qui était une chanson de Vernon Duke, en tout cas pour la musique. Il y en a d'autres, des chansons qui apparaissent et qui sont pas justement forcément des chansons françaises ou des chansons d'origine française dans votre livre. Oui, alors effectivement, il y a par exemple le chapitre sur l'usine Citroën m'a fait penser à une très belle chanson de Kad Achouri. Kad Achouri est un Français d'origine algérienne qui a créé une très belle chanson qui s'appelle « Mon père à moi ». Où il rend hommage à tous ces hommes qui sont venus émigrer en France, qui ont vraiment trimé dur dans les usines, au fond des mines aussi, et qui ont produit des enfants, comme Kad Achouri, ou peut-être aussi comme moi-même, parce que mon père est arrivé en France à 50 ans. Il n'était pas ouvrier, mais il travaillait très très dur. Il avait créé son entreprise d'informatique et il travaillait 6 jours par semaine pour pouvoir racheter ses points retraite. Et c'était vraiment une vie très très difficile. Eh bien, tous ces hommes qui ont travaillé dur et puis qui ont produit quand même des enfants qui aujourd'hui, comme on dit, réussissent. Parce que la France est aussi constituée de beaucoup d'enfants d'immigrés, d'Algérie, du Maroc, aujourd'hui même du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Laos, du Vietnam, et qui se sont faits à la sueur de leur front. Et voilà. Ça fait 50 ans qu'il est là, 50 ans donnés à l'État, 50 ans qu'il ne compte pas, 50 ans qu'on ne le voit pas, sur tous les toits, par tous les temps. Au fond des mines ou à l'usine, fraiseur, tourneur ou éboueur, avec l'espoir d'un jour meilleur. Mon père à moi, ton père à toi, combien sont-ils sans les médailles, sans les honneurs, ces hommes que moi je n'oublie pas. Alors, Nadia, il y a d'autres choses qui frappent dans votre livre. Non seulement c'est la présence évidente des provinces de France, des régions françaises, mais c'est aussi la province de l'Outre-mer. Et on se souvient, en tout cas certains se souviennent, du bal nègre de la rue Blomet. Alors, franchement, j'ai jamais été, je suis trop petit. Hein. Mais ça a existé et ça laisse des traces. Qu'est-ce que c'était que le bal nègre ? Alors, il faut savoir que la rive sud de Montparnasse, c'est le 15e. Et que dans le 15e arrondissement, donc, à l'époque de la haute vie de Montparnasse, entre les deux guerres, dans les années 20 et 30, c'était un quartier très vivant. Chagall, Miro avaient des ateliers d'artistes. Et c'était donc oui, un quartier d'artistes. Il y avait deux pôles artistiques à Paris, c'était Montmartre et Montparnasse. Voilà, exactement. Qui clignotaient l'un avec l'autre. Voilà, c'était Montmartre et Montparnasse. Et vous avez encore aujourd'hui le petit musée du Montparnasse, situé avenue du Maine, qui est un endroit absolument charmant, qui était un endroit d'ateliers d'artistes. Et vous avez également dans le 15e la ruche. La ruche était vraiment un lieu très important pour la vie artistique française. Alors, qu'est-ce qu'on appelait la ruche ? La ruche, parce que c'était un bâtiment octogonal, donc octogonal avec 8 pans, comme un rond avec 8 pans, et c'était des ateliers d'artistes. Et la ruche existe toujours, et toujours une série de d'habitations et d'ateliers d'artistes. Mais la ruche, Modigliani habitait là, voyez, à l'époque de Modigliani, de Picasso, de Giacometti. Montparnasse et le 15e, enfin la ruche et Montparnasse étaient des endroits très importants. Revenons à la rue Blomet. Donc rue Blomet, vous aviez l'atelier de Juan Miro, vous aviez des artistes. Rue Blomet, en fait, il y avait un café tenu par un Auvergnat. Et puis, un jour, un député antillais, un antillais qui voulait se présenter comme député, décide de faire des soirées électorales dans ce bal. Parce que beaucoup d'Auvergnats avaient des cafés qui faisaient bal le samedi soir. Et donc, il fait ses meetings politiques dans cet endroit. Et les meetings se finissent par de la musique antillaise. Oui, parce que ce qu'on appelait un bal à l'époque, il y en avait énormément à Paris, c'était simplement un endroit où des musiciens, parce qu'il y avait très peu de disques, hein, des musiciens se réunissaient et pouvaient faire danser les gens. Quand on disait aller au bal, c'était pas juste aller danser, c'était aller dans un endroit spécial pour cette occasion et cette activité. Voilà, en fait c'était comme ce qu'on appelle des cafés chantants ou des cafés dansants, comme c'était il y en avait aussi en Tunisie. Voilà. Donc le bal c'était simplement un café, et puis il y avait la musique qui était vivante, il faut se rappeler que dans les années 20-30, il n'y avait pas de disque. Donc vous dansiez au son d'un orchestre. Donc cet Antillais, qui s'appelle Jean Rézard de Vouve, cet Antillais se met au clavier parce que lui est musicien, il est musicien lui-même. Donc il fait ses meetings politiques et le soir, il se met au piano et hop, il fait danser sur la musique antillaise. La musique antillaise, à l'époque, faisait juste son apparition. Vous aviez Joséphine Baker qui triomphait avec la Revue Nègre et les Parisiens découvrent. Il n'y avait pas la télé à l'époque, rappelez-vous. Donc on n'avait jamais vu encore d'Africains ou d'Antillais danser. Et le bal, donc, il y a tout un intérêt pour la musique noire qu'on appelle, sans aucun complexe à l'époque, la musique nègre. Oui. C'est vrai que Joséphine Baker arrive à la fin des années 20 ou début 30, je ne sais plus, avec la Revue Nègre. Tout à et fait. On l'appelle comme ça. Alors on appelait ça la musique nègre parce qu'il y avait aussi, c'était l'époque coloniale, donc il y avait effectivement du racisme anti-noir à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ce bal Blomet ouvre et il attire qui ? Les bals à l'époque, les bals populaires étaient très populaire. Une fille de bonne famille n'allait jamais danser dans un bal populaire. Les jeunes filles de bonne famille allaient danser dans les bals chez les gens. Aucune fille de bonne famille n'allait danser dans un bal dans un café. Donc qui allait danser dans ces bals ? Les petites bonnes. Les bonnes auvergnates et les bonnes bretonnes. Et toutes les filles un petit peu pauvres, puisque voilà, les filles de la bourgeoisie n'allaient pas. Et du coup, elles, pourquoi elles allaient là ? Parce que en province, il faut savoir, dans toute l'Europe, comme dans le monde entier, on a toujours dansé pour fêter. Je veux dire, ça c'est un trait humain depuis la préhistoire. Quand les gens sont heureux, ils dansent dans les tribus africaines, mais aussi dans les tribus gauloises, je dirais, autrefois. Donc ces bretonnes, ces auvergnates vont danser. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez la jet set qui commence à venir, les intellectuels, les artistes qui viennent intriguer. Donc vous allez avoir tout un tas de gens qui va défiler au bal nègre, vous allez avoir Jean-Paul Sartre ensuite, vous allez avoir donc tous les artistes qui viennent, Cocteau, Man Ray, Kiki de Montparnasse, viennent au bal nègre. Vendongen a peint notamment des scènes comme ça de bal nègre, etc. Et puis la bourgeoisie est très choquée parce que la musique, les chansons antillaises, la musique antillaise et africaine, il y a quand même des gestes du corps, vous bougez les fesses, vous bougez les hanches, et la bourgeoisie était très choquée. Simone de Beauvoir va écrire des pages sur ce bal nègre, et ce bal nègre a contribué à faire connaître les musiques antillaises en France, et ensuite vont faire connaître donc le jazz, parce que le jazz est vraiment c'est vraiment un lieu qui a contribué à faire connaître ces rythmes noirs qui vont fonder, c'est très important de le rappeler, Yvan, les musiques noires ont fondé toutes nos musiques modernes. Le rock and roll, le blues, le dancehall, le hip-hop, le reggae, ce sont tous des rythmes noirs. S'il n'y avait pas eu les musiques noires en Occident, nous serions tous en train de danser d'Agavotte et des menuets de Mozart. Et grâce et je rends hommage au peuple africain, et grâce aussi à ses souffrances dans l'esclavage, il nous a donné, pour moi, le plus beau cadeau du XXe siècle, qui sont les musiques noires et les rythmes qui nous font danser. Eh ben, merci bien, merci. Nadia Corridaguerre, d'avoir été avec nous. Merci pour cet hommage. All right, we heard the last part of this interview of Paris 15e, Le Bonheur à ma Porte. And basically, the author, Nadia, is extremely positive about both the 15e, about the Antillais, about the music that came out of it, and simply thinks that it's the black people who were enslaved, that it's the Antillais, that who were at the base of all the modern music, rock and roll and blues and whatever it is. And she says, if they hadn't been there, we would still dance the menuet under Mozart's tunes. But so this was the interview with Jacques avec Yvan Amar and Nadia Coury-Dacher. Eh bien, on va écouter maintenant la musique. C'est de Georges Moustaki, qui vient de mourir il y a un mois ou deux. Et d'abord, il va vous chanter « Il est trop tard ». Et ça va être suivi par « Bahia ». Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie. Je suis seul dans mon lit, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard, certains se sont battus. Moi je n'ai jamais su, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour. M'arrive même de chanter sur ma guitare pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, il était encore temps. Oh, Bahia de San Salvador. C'est là qu'un beau jour a commencé le Brésil et sa première capitale. C'est là que l'Afrique vit encore en exil et parle la langue du Portugal. Bahia des pêcheurs des marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. C'est là que les hommes savent encore se battre, pieds nus ou à main nue ou au couteau, pour les beaux yeux d'une jolie mulâtre, au risque d'y laisser la peau. Bahia des pêcheurs des marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. J'ai écouté chanter les fils de Gandhi, j'ai vu danser les filles de Chango. C'est là que j'ai retrouvé le paradis, du côté de chez Georges Amado. Bahia des pêcheurs des marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. Comme ma chanson n'était pas terminée, je l'ai emportée avec moi. Je reviendrai un jour de la fredonner sur la plage d'Itapoa. Bahia des pêcheurs des marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. Bahia de pêcheurs des marins, Bahia de filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. Bahia de Saint-Salvador, Bahia de Saint-Salvador. We heard George Moustaki in Il est trop tard, it's too late, about liberty and how he lost his liberty by being captured by a nice lady. And the other one is Bahia, dealing with the South American, the Brazilian city, and how things are going there. But let me just give you a little short announcement about our friend Mohamed Yabdri, a clown in exile. He is going to play with the French Fringe festival, and you can find his more information at fringefestival.org 2013. And he is performing at the UFM Rarik Center Proscenium, which is at 330 First Avenue South, on Saturday the 3rd at 10, Sunday August 4th at 8:30, Tuesday August 6th at 10 p.m. Oh, it's 10 p.m. Sorry, did I not say 10 p.m. for August 3rd? And Wednesday August 7th at 7 p.m., Sunday August 11th, at 7 p.m. And it's a story about a traveler who has to travel wide and long to find his own roots and find finally a place that he can call home once he has been able to look at all of these absurdities of this world. This is Mohamed Yabdri in A Clown in Exile. What's that website again, Olaf? The website is fringefestival.com. And then you go from there and you find also other things that might be of interest to you. Okay, merci. Here's some announcements from the Alliance Française. A new benefit for the Alliance Française members called Culture Tech. A French e-library accesses thousands of documents for all ages with just a click. The website is for magazines, e-books, films, comics, bande dessinée, podcasts, and much more. It's culturetech.com. It's culture and then TheQue.com. And then the access is 24/7. Over 400 magazines, 1,000 books, 200 comics, 300 videos, and all kinds of wonderful things. You've looked it up, haven't you, Olaf? Oh, yes. It's quite interesting. You register online by selecting the Alliance Française, Minneapolis, St. Paul, and then list, and your membership will be confirmed by their team, our team. It's available throughout the U.S. and is free for participating Alliance Française members. Let's see. Oh, Pierre Feuille Ciseaux Art Reception. I thought about that for a while. Pierre Feuille Ciseaux Art Reception. And it's literally stone, leaf or leaf of paper, and scissors. So it's probably paper, scissors, rock, the game that decides a lot of things in all cultures. They're a group. And they will be on Tuesday, August 13th at 5 p.m. at the Alliance Française of Minneapolis, St. Paul. Free and open to the general public. They are 113 First Street North in Minneapolis. And that date again, 5 p.m. on Tuesday, August 13th. It's an experimental comic laboratory. It will make its first North American visit to the Minneapolis College of Art, which profits from a diverse group of North American and European artists, the comic authors, and PFC, Pierre Feuille Ciseaux, seek to explore and create new interpretations of comic art form through intercultural collaboration experimentation. Well, I think it should be a lot of fun, in spite of that rather long introduction. For Alliance Française members and for the general public, the films of Pierre Etty will be playing weekends in August at the Trilon Cinema, T-R-Y-L-O-N. He was a great comedian, illustrator, gag man, film director. Is it only at the Trilon? Trilon Micro Cinema. Is it also at the... It does not say so here. It just says it's okay. At the Trilon. Only at the Trilon, yes. Mm-hmm. You can check it out online. There's some kind of a reduction for members of the Alliance, but it's open to the public, I'm sure. The first one is Friday, August 2nd, 7 to 9, and there's a whole string of them. If you'd like to check it, you can Google Trilon Micro Cinema. T-R-Y-L-O-N. They have a lot of interesting old films. They have, yes. I believe that's it for tonight. And we will, our last song, well, she's, and don't forget Mohamed Yabdri. Yeah, and basically, I mean, I need to say that Mohamed Yabdri, A Clown in Exile, he just comes back from a very acclaimed tour through France, Paris, and North Africa. So he has this act is really something quite extraordinary. And I forgot to say, he is multilingual, so his shows are partly French, partly English, so you, whatever it is, you'll be able to understand what he is going to talk. And he is going to be at the U of M Moravec Center Proscenium on August 3rd, 4th, 6th, 7th, and 11th. And check the Fringe Benefit... Fringe Festival.com, and you'll get more information on the website or otherwise in the printed programs. Here's a bit of a song called Petit Pays by Cesaria Evora, the great singer from Cap Verde. I could not resist it, even only the last words are in French. Au revoir, Olaf. Au revoir, Caril. Au revoir, tout le monde. Au revoir, tous nos chers auditeurs. À la prochaine fois. Nos chers auditeurs et auditrices, évidemment. Uma estrela que cata brilhar, linda mar, boi uma areia que cata moiar, espalhando desse mundo fora, só rote mar, terra, pôr, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rotima, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Estrela que cata brilhar, e na mar boia uma areia que cata moiar, espanhol nesse mundo fora, só rote mar, terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor, tem batuque, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar, terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit. Je l'aime beaucoup, petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup. The new KFAI radio app allows you to live stream. Live stream? What is that? Listen to live stream from KFAI even while traveling,